Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Nous sommes très heureux de vous retrouver chaque matin pour de nouveaux défis à relever avec les textes bibliques que nous lisons, textes qui nous challengent, qui nous interpellent, qui nous orientent et qui nous guident. Ce matin, nous vous proposons la lecture de Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. Très bientôt, Jésus retournera dans les cieux et alors tous ceux qui l'ont écouté et qui n'ont pas cru mourront dans leur péché, celui de l'incrédulité. Il n'y a pas une seconde chance pour eux. Les auditeurs refusent de comprendre les paroles de Jésus, cependant leur question: aura-t-il l'intention de se suicider? Est quelque peu prophétique. En effet, même si Jésus ne s'est pas donné la mort, il a toutefois offert sa propre vie en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toutes les leçons à retenir et les enseignements à mettre en pratique dans cette émission. L'apôtre Moïse Kinda est avec nous. Bonjour apôtre. Oui, bonjour frère Dombi. Nous sommes aussi avec le pasteur Edwige Kinda. Bonjour. Bonjour frère Dombi. Alors, ils sont de l'église La Vision Apostolique Eva, située à Kumasi Zoé-Pruno, Temple Yahvé-Jiré. Je suis à Dombi Alex Pacom pour vous servir et Edouard Yao m'accompagne sur le plan technique. Nous allons prier avec le pasteur Edwige Kinda. Après quoi, nous allons faire la lecture du texte que nous rappelons, Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. Nous prions. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour cette journée, Seigneur, qui commence par ta grâce, pour tes bontés, Seigneur, qui se sont encore renouvelées dans notre vie. Père, nous sommes là encore pour écouter ta parole, pour la méditer. Donne-nous de la mettre en application afin que nous puissions être agréables. Béni sois-tu, Seigneur, pour le reste du temps qui est entre tes mains. Au nom de Jésus, amen. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce mardi 11 février 2020, le lecteur de la Bible nous donne de lire Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. La lecture est faite dans la Bible Ostéval. Verset 21. Jésus les dit encore: « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs disaient donc: « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit: « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Verset 25. Il lui disait donc: « Toi, qui es-tu ? » Et Jésus leur dit: « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous, mais celui qui m'a envoyé est véritable et les choses que j'ai entendues de lui, je l'ai dit dans le monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur dit: « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et le Père ne m'a point laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Verset 30, pour mettre fin à notre lecture. « Comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. » Amen. Amen. Amen. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Méditons ensemble, nous essayons de vous titiller, de vous challenger pour la dévotion matinale. Le lecteur de la Bible est encore disponible dans vos églises, au kiosque de la vie, au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. Pour ceux qui n'ont pas encore le lecteur, Jean chapitre 8, les versets 21 à 30, c'est le texte que le lecteur 2020 nous propose pour ce jour du mardi 11 février 2020. Hier, avec nos invités, l'apôtre Kinda et le pasteur Elvis Kinda, nous avons lu Jean chapitre 8, les versets 12 à 20. Jésus déclarait qu'il était la lumière du monde. On va revenir sur ce texte, apôtre Kinda. Oui, merci pour l'opportunité. Dans le texte de méditation d'hier, Jésus fait cette déclaration publique relativement au rite du chandelier. Je suis la lumière du monde. Et qui parle de lumière parle ici, non pas de la clarté lumineuse en tant que telle, mais de connaissance. Mmh. Et quand Jésus déclare comme ça qu'il est la connaissance, oui, le monde a besoin de cette connaissance pour être affranchi, tout simplement parce que beaucoup sont aujourd'hui dans les chaîne des ténèbres, de l'occultisme, du fétichisme, des sciences ésotériques, etc., etc. Et donc, véritablement, notre monde a besoin que de cette lumière et la véritable lumière qu'est Jésus-Christ lui-même. D'accord. Alors, le texte du jour fait suite à celui que nous avions lu hier. Il s'agit des versets 21 à 30 de Jean chapitre 8. Nous sommes dans l'observation. Alors, de quoi nous parlent ces versets? Nous sommes dans la continuité des textes donc d'hier, comme dit. Et ici, dans cette portion ici de Jean 8, 21 à 30, le texte nous parle du jugement à venir de ceux qui rejettent Jésus. Voilà, nous sommes pratiquement vers la fin de la contestation de Jésus. Et il montre ici le jugement à venir de ceux qui le rejettent. D'accord. Trois mouvements sont proposés par nos invités en ce qui concerne les détails de l'observation. Premier mouvement, versets 21 à 24, conséquences du rejet de Jésus. Deuxième mouvement, le verset 25 à 27, caractéristiques de ceux qui rejettent Jésus. Et puis troisième et dernier mouvement, le verset 28 à 30, annonce du plan de salut. Nous allons, après donc, l'observation, passer à l'interprétation vers la fin de l'émission. Ce sera l'application. On va continuer notre observation avec les détails. Donc, premier mouvement, donc, le verset 21 à 24, n'est-ce pas? Conséquence du rejet de Jésus. Ici, Jésus énumère réellement la conséquence de son rejet. Il parle ici, et la conséquence n'est autre que la mort spirituelle dont parle Jésus. La mort spirituelle. Et malheureusement, aussi longtemps que nous allons demeurer cette mort spirituelle, elle peut nous entraîner à la mort physique. Oui. Voilà. Et donc ici, Jésus nous interpelle l'opportunité de le saisir, de le recevoir, comme de l'accepter comme sauveur et Seigneur personnel, sinon lequel rejet aurait vraiment eu des conséquences désastreuses. Voilà, ici, Jésus se montre comme étant le chemin pour échapper à la mort, parce qu'il faut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus se propose, il dit, je m'en vais au Père et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Voilà, clair pour dire ici que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus ici vient se proposer comme étant le chemin pour échapper à cette mort. D'accord, justement, Jésus se propose pour échapper à cette mort parce qu'au verset 23, par exemple, il dit qu'il est Dieu. Parce qu'il dit très seulement, vous êtes d'en bas, oui, et moi je suis d'en haut. On n'est pas de la même patrie. Ah oui. Voilà, Jésus énonce ici directement que nous sommes citoyens du ciel et non citoyens terrestres. Mais pendant ce temps, comme je fais allusion à la question de la pièce théâtrale, nous sommes des acteurs. Des acteurs sur terre, des acteurs terrestres, mais qui portions sur nous la responsabilité, la citoyenneté céleste. Voilà, et donc nous sommes représentatifs du royaume des cieux sur terre. Et par conséquent, nous n'avons pas le même fonctionnement, nous n'avons pas le même style de vie, nous n'avons pas la même attitude de tous les jours. D'accord, Jésus dit au verset 21 que vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Parce que je m'en vais là où vous ne pouvez partir, il parlait déjà de sa mort. Il annonce ici clairement sa mort future, et laquelle mort aurait beaucoup de conséquences. Et nous allons le voir ici dans la continuité du texte. Laquelle mort viendra ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle porte, et va donner un nouvel assaut à ceux qui véritablement vont sortir de cette mort spirituelle. Non pas de la mort physique, mais de cette mort spirituelle pour aller à cette mort de Jésus qui donnera véritablement un autre style de vie, mais une autre vie également. D'accord. Deuxième mouvement de ce passage, le verset 25 à 27, caractéristiques de ceux qui rejettent Jésus. Après avoir montré la conséquence de son rejet, il va également définir par rapport à ses auditeurs d'alors qui étaient bondés des pharisiens, les caractéristiques de ceux qui le rejettent. Et il dit, voici leur comportement. Voilà, le verset 21 au verset 22, il se trouve que ceux-ci sont injustes. Et voilà, c'est des gens qui sont attachés au monde. Toute leur pensée est focalisée sur les biens terrestres, sur le système de fonctionnement de ce monde. Dans l'avenir, ils n'ont pas de citoyenneté spirituelle en tant que tant que tel. Et également, il parle d'eux, il dit qu'ils sont beaucoup incrédules. Incrédules, dans le verset 24, ils rejettent carrément ce que Jésus enseigne, ils rejettent carrément la personne et la messianité de Jésus-Christ. Et également, et la dernière caractéristique énumérée ici, c'est qu'ils sont volontairement ignorants. Et nous avons vu tout au long des textes, depuis le chapitre 7, que les farouches opposants de Jésus, qui sont les chefs religieux, étaient de vrais incrédules et de vrais ignorants, parce qu'ils ne cherchaient même pas à savoir qui était la personne de Jésus-Christ. D'accord. Voilà, on peut dire ici qu'ils montrent qu'ils sont vraiment réfractaires quant à la vérité qui est notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont obstinés. On a dit, ils sont toujours frappés de cette incrédulité. Ils refusent de croire, d'accepter même qui est Jésus-Christ. En fait, c'est leur obstination à ne pas croire qui m'affecte un peu. Voilà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. Ça se passe présentement. Oui. Tu as bon Seigneur l'Évangile. Ils savent, ils connaissent la vérité. Ils refusent de l'appliquer. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. D'accord. Troisième et dernier mouvement, les versets 28 à 30, annonce du plan de salut. Comme j'ai pour habitude souvent moi-même de le dire du haut de la chaise, Jésus n'est pas celui qui dénonce simplement, mais il propose toujours une solution, une porte de sortie par rapport aux différentes situations. Et donc là ici, après avoir montré la conséquence de son rejet, également dévoilé les caractéristiques donc de ceux qui le rejettent, Jésus fait ici une annonce d'un plan de salut. Dans le verset 28 au verset 30, il montre clairement qu'il y a une porte de sortie. Il dit, Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ici élevé le Fils de l'homme, il fait allusion à sa mort, laquelle mort est véritablement le plan de salut pour quiconque. Et donc on passe de la mort spirituelle qu'il a dénoncée à la vie éternelle de par sa mort sacrificielle. D'accord. Et cette annonce-là est ponctuée par le verset 30, n'est-ce pas? Où plusieurs personnes, n'est-ce pas, vont croire. Oui, plusieurs personnes donnent leur vie à Jésus. Vous dites que la vérité ne veut pas être contrée. En dépit de tout, l'objectif a été atteint parce que Christ est venu pour affranchir les cœurs. En fait, le verset me touche parce qu'en dépit de tout ce qu'ils ont fait, il y a des cœurs qui ont été gagnés à Christ. Ça, c'est l'essentiel. Jésus est resté dans sa position. Il a défendu la vérité, étant lui-même la vérité. Et voilà que les cœurs ont été affranchis. Alors, ce qui me touche également dans la richesse de cette dernière portion de notre texte, c'est que la puissance de la parole, la puissance de la prédication, pas de n'importe quelle prédication, mais de la prédication de la croix. Bien vrai que ici, Jésus n'était pas encore mort, mais nous voyons la puissance de la parole et automatiquement il y a des gens qui sont gagnés à Jésus. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Voilà. Les prédications ne sont pas christocentriques. Non seulement ne sont pas christocentriques, mais aussi on ajoute. On parle du syncrétisme aujourd'hui. Nos églises sont devenues des lieux de vente de bougies, de vente de savons magiques, de poudre, de je ne sais quoi encore. Excusez-moi, je vous l'ai dit que je suis apologète. Et donc, c'est aberrant quand on lit ces textes-là de savoir que rien que par la prédication de la parole de Dieu, Jésus opère des miracles. Et il n'a pas besoin qu'on ajoute quelque chose à sa parole. Et comme aujourd'hui on le voit, certains viennent encore mystifier parce qu'ils appellent des actes dits prophétiques. Oui, c'est vrai, c'est clair, c'est bien, on peut le faire. Mais ce qui est important, c'est de prêcher et prêcher encore et encore la parole de Dieu. D'accord. Nous allons aller pour l'étape de l'interprétation. Chers amis auditeurs, merci à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez, méditons ensemble. Nous lisons Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. Et nous sommes avec l'apôtre Kinda, le pasteur Kinda Advige. Alors, pour l'interprétation, on va s'intéresser à deux questions, n'est-ce pas? La première question, c'est ce que ce texte nous enseigne sur Jésus. Je retiens que Jésus n'est pas de ce monde. Alors, ce qui prouve sa divinité. Oui, bien sûr. Et qu'il est le Messie, l'envoyé du Père. Et il a reçu son mandat du Père. Oui. Voilà, ça c'est très important. Ouais. Seul Jésus peut nous sauver de nos péchés. Jésus est le remède au péché. C'est ce qui est vraiment décrit ici dans le texte. Quand il propose que je m'en vais au Père, vous me chercherez, vous mourrez dans votre péché. Il se propose, c'est lui qui est le remède, le médecin pour guérir le péché. Il y a plusieurs solutions, mais la seule et unique vraie solution, c'est Jésus. D'accord. Et le texte aussi au verset 28 montre clairement que Jésus, c'est l'une des premières fois, l'une des seules fois qu'il parle clairement à la foule, qu'il dit « Je vais aller, je vais être crucifié. » Oui, bien sûr. Oui, il le dit parce que tout simplement, il annonce ici le plan de salut. Il insiste parce qu'il sait que l'humanité sera sauvée rien que par sa mort sacrificielle. Voilà. D'accord, on va s'intéresser maintenant aux vérités qu'on peut partager avec les auditeurs. Ok, nous voyons plusieurs vérités dans ce texte. Comme première vérité, je peux dire que le péché nous met en porte-à-faux avec Dieu. Quand il peut, le péché aussi nous cache la face de Dieu et la vie du péché conduit à la mort. Parce que c'est clair ici, oui. Vous mourrez dans votre péché, la vie du péché conduit à la mort. Et quant au verset 29, nous pouvons voir quelque chose d'important. Quand il dit que celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais ce qui est toujours agréable au Père. Ça, c'est important. Jésus n'est pas venu de son propre chef. Il est envoyé par son Père. Oui. Voilà, ils étaient toujours en étroite communion avec son Père. Et ils faisaient ce que le Père voulait. Et le Père ne pouvait pas laisser Jésus. Nous également, nous avons reçu ce mandat du Père. Est-ce que nous arrivons à faire comme Jésus-Christ? Il ne comptait pas sur lui, mais il comptait sur le Père. Il dit, je fais ce qui est agréable. Et nous devons être approuvés de Dieu en faisant ce que Dieu veut, pas ce que nous voulons. Voilà, à partir de ce verset, c'est une vérité qui dégage. Quand il priait, lorsque Lazare était mort, son corps qui était en putréfaction, Jésus a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé, pour dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Oui. Et Jésus, étant dans la vérité, étant dans cette parfaite sainteté, ne pouvait que obtenir et résultat lorsqu'il levait les yeux vers son Père. Voilà. Alors, les quelques vérités que je peux ajouter à ce que vient de dire le pasteur Edwige Kinda, c'est le rejet de la personne de Jésus entraîne à la mort spirituelle, voire la mort physique. Comme Jésus, nous sommes citoyens du royaume et censés vivre selon les principes de ce royaume et non du système de ce monde dirigé par Satan. Et je vais ajouter que reconnaître et accepter la personne de Jésus comme le Messie nous donne l'identité de vrai enfant de Dieu. Et ici, comme il a dit, on a vu tout à l'heure dans le verset 30, que ceux qui ont cru en lui étaient les vrais enfants de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur entraîne souvent des moqueries de la part des uns et des autres, et même souvent des gens de notre propre maison. Et ce qui est aberrant ici, c'est que ceux qui parlaient à Jésus, ceux qui se moquaient, ces pharisiens, ces religieux-là, étaient des hommes de la même nation que Jésus. Oui. D'accord, nous allons conclure cette émission, chers amis auditeurs. Le texte que nous lisons, c'est Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous abordons maintenant la conclusion avec l'application. Qu'est-ce que nous allons retenir de ce texte? On va commencer par le pasteur Kinda. Ok, nous pouvons retenir comme ça pour cette journée que seul Jésus ôte les péchés du monde. Seul Jésus a franchi l'homme du péché et le conduit à la vie éternelle. Aussi, retenons que Jésus avait une vie consacrée et ils étaient en parfaite collaboration, lui et le Père. Et il faisait ce que le Père voulait et le Père était toujours avec lui parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. C'est Dieu qui a proposé le plan du salut par son Fils. Et Jésus avait toujours recours au Père par la prière pour réussir cette mission. Donc pour la journée, nous devons retenir que nous devons donner notre vie à Jésus. Pour ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, les temps sont mauvais. Nous sommes dans une nouvelle année. Il est temps de rechercher le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le salaire du péché est la mort. Christ se propose comme étant le plan du salut, le plan pour nous conduire à la vie éternelle. Et nous devons accepter impérativement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. D'accord. Merci de nous avoir suivis, chers amis auditeurs. On va prier avant de terminer cette émission. Apôtre Kinda, est-ce qu'il y a un sujet de prière à proposer? Oui, le sujet que moi je propose, c'est que par la prédication de la croix, des vies soient gagnées à Christ afin de libérer un plus grand nombre de personnes des chaînes de la mort, car Christ a vaincu la mort. D'accord, on va vous laisser le son de prier. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, nous venons encore te dire merci, te témoigner notre reconnaissance. Merci pour cette belle journée et merci pour ta présence en nous. Par cette méditation personnelle que nous venons d'avoir, Seigneur, mon désir est de te prier, Seigneur, de nous accorder, nous, je parle de ton Église, Seigneur, de prêcher véritablement ta croix, de porter à la connaissance, Seigneur, de ce monde la véracité de tes Écritures éternelles et de prêcher un message christocentrique afin de libérer la vie de plusieurs, afin de libérer, Seigneur, des chaînes, ces personnes qui sont tapies dans l'homme et qui ont besoin véritablement de ta vie, la quelle vie est la vie Zoé, la vie éternelle. Merci de ce que, Seigneur, tu suscites de partout, éternel Dieu, des hommes et des femmes de valeur, des hommes et des femmes, Seigneur, intègres, qui vont prêcher ta parole comme tu l'as fait toi-même face à Seigneur, à ces pharisiens, afin que la vie de plusieurs soit arrachée, éternel Dieu, et de peupler encore le royaume de Dieu. Merci pour cette grâce que tu accordes, Seigneur, à nos églises, à notre nation, la Côte d'Ivoire, et merci, éternel Dieu, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Nous avions lu ensemble Jean chapitre 8, les versets 21 à 30. Nous vous invitons à lire la note explicative à la page 24 dans le lecteur de la Bible 2020. Un grand merci à l'apôtre Moïse Kinda, au pasteur Edwige Kinda de l'église La Vision Apostolique Eva, située à Kumasi-Zoué pour notre temple Yahvé Jiré. Cette émission a été mise en onde par Emmanuel Yao et Edouard Yao. Je suis Adombi Alex Pacom. Demain, nous allons lire Jean chapitre 8, les versets 31 à 47 avec un autre invité. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée. Shalom. Méditons ensemble. Le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.